l'histoire d'une vie, une histoire en vrai. Styly Love Story. Un gars du papier et des instruments, un gars des émotions, ça fait déjà un bout de temps. Une histoire de sensations, émaillée de jeux de contes, des cris, des joies, des pleurs, le tout en passion. Une histoire qui se termine bien, fort heureusement, c'est un peu de ma vie, mais pratiquement tout mon temps. C'est mon album, ça y est je l'ai fait, il s'appelle à l'arrache. Tout mon cœur y est, du style presque ouvert. En grand, je laisse un coin fermé, celui des sentiments. C'est en style de pur son, avec des textes plein de compassion. Non vas-y, je déconne, ça serait plus si le mot con. Y'a des oreilles qui sonnent, ma réponse à sa trahison. Je peux pas m'en empêcher, Eric t'es qu'un gros con. C'est en style de bonheur, en style de frisson. Engraissé à la douleur, ça a tout de suite plus de valeur. Quand c'est la merde qui sert d'engrais, en plus la quantité. Même la qualité y est, au niveau en merde j'étais gâté. Mais je m'en sors pas trop mal, juste parfois le nez sale. On fait pas ce qu'on veut quand c'est le diable qui tire par la queue. Heureusement que tout petit, t'es rentré dans ma vie. Tu m'as pécho de bonheur, depuis ce temps que du bonheur. Des noirs, des blancs, j'écroche même le dimanche. C'est un rêve permanent, un barbal modèle géant. J'ai qu'à mettre du son, fermer les yeux c'est bon. Et j'oublie subitement tous mes emmerdements. Tu m'as jamais lâché, tant de fois fait kiffer. Obligé à la raison, pourtant ta réputation. Mais moi si je respire, si j'ai évité le pire, c'est toi qui me l'as donné, croire en toi m'a sauvé. Ça fait trop longtemps que j'espère ce que je suis en train de faire. Je sais pas maintenant que j'arrêterai le mouvement. Ça y est je l'ai fait, l'album est parfait. Il s'appelle à l'arrache et tout mon cœur y est. J'aurais pu finir à genoux, me retrouver fou. Mais notre fusion écrase tout. Dès que j'ai le bourdon, un shoot à la chanson. Et me revoilà à fond avec la vie à l'unisson. Ce passionnel, cet émotionnel m'a fait écrire ce son. Le premier donc introduction. La zik me donne et m'a toujours donné. Cette envie qui détonne et me sert à respirer. Car la zik me donne cette envie de me marrer. Car la zik me donne cette envie de tout bouffer. Car la zik me donne cette envie de respirer. Car la zik me donne cette envie de vous crier. Car la zik me donne tant et tant de frissons. Car la zik me donne des tonnes de sensations. Car la zik me donne tout un tas de bonnes raisons. Car la zik me donne l'envie de plus jouer au con. Car la zik me donne et m'a souvent donné. Car la zik me donne cette envie de tout bouffer. Car la zik me donne cette envie de continuer. Car la zik me donne et m'a toujours donné. Car la zik me donne cette envie de me marrer. Car la zik me donne cette envie de tout bouffer. Car la zik me donne cette envie de respirer. Car la zik me donne cette envie de vous crier. Car la zik me donne tant et tant de frissons. Car la zik me donne des tonnes de sensations. Car la zik me donne tout un tas de bonnes raisons. Car la zik me donne l'envie de plus jouer au con. Car la zik me donne et m'a souvent donné. Car la zik me donne cette envie de tout bouffer. Car la zik me donne cette envie de continuer. Car la zik me donne et m'a toujours donné.